Bonjour. Bonjour, monsieur Leroy. Moi, j'ai décidé de faire ça plus de bonne heure. Donc, il n'y aura pas beaucoup de monde, peut-être, au début. Parce que c'est ça. Bonjour, Jean. Vous êtes tout le temps de bonne heure, vous autres. Mais bon, les gens qui m'écoutent, ils ont en moyenne bon, des gens qui se lèvent plus tôt. Une tranche que j'ai pas, c'est les jeunes, là. Bon, hein, c'est pas bien grave. Hey, bonjour, Monsieur P, c'est la première fois que je vous vois. Ariane, bon matin. C'est sûr qu'il est 14 h chez vous, 14 h 10. Je suis dans le jeu, bonjour à vous. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il y a des choses? J'ai une voisine qui essaie de socialiser. Elle m'a prêté un livre. Bonjour, Martin. Un livre pour enfants en anglais sur Henri VIII. Bon, c'est pas grave, elle me connaît pas encore beaucoup. Bonjour, Denis. Hein? C'est P, c'est Mélanie. Ok, excusez-moi. Mélanie. Ouais. Ben, vous savez de nos jours, là. Hein? Je suis rendu que moi, je mégenre le monde. Is grave? Mais bon, est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il y a des choses? Les Américains ont frappé l'Iran. Les Américains ont frappé l'Iran. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Y a beaucoup de choses. On va avoir tout un hiver. C'est déjà au moins. Là, je vous avoue, j'ai pas dormi. Ça a donné comme ça. Il y a quelque chose fait les cheveux, j'ai pas dormi. Mais c'est pas grave, là. Je suis quand même en forme. Ah, c'est ça. J'ai été 4 jours. Bon, c'est sûr qu'après autant de temps, bon, il y a des petits phénomènes de. Je me souviens d'un bonhomme, un policier, que je connaissais, puis qu'une infirmière qu'il connaissait m'avait parlé. Elle me disait, à un moment donné, il avait dormi depuis. Il avait tellement pas dormi qu'il était entré en psychose. En psychose, il pensait que son auto-patrouille allait le manger. Je ne savais pas pour l'île au gaz, au large de Gaza. Ben oui. Ben, moi, j'attends chercher le. Bon, ben, c'est des conjonctures, c'est des convergences de choses. Mais finalement, ben, ça aide à comprendre. Hein, ça aide. Hein? 2024 va commencer. Ça va emmener son lot de polarisation. Nous sommes juste au mois de février. De toute façon, on est tout le temps dedans. Donc, hey, bonjour, Mister Guerrière. Donc, ben, que les Américains attaquent l'Iran, c'est pas surprenant. Je veux dire, bon. Hein? Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps qu'ils pensent. Plus ça de la sticotage, on peut dire. C'est-à-dire, ils arrogent un peu. Mais supposément que c'est une réponse à, bon. Mais qu'est-ce qu'ils foutent en Cisjordanie, les soldats américains qui ont. Pas chanceux, les Iraniens, ils ont envoyé de quoi, puis c'est des Américains qui. Bon. Hein? Gaz, Gaza. Un rapport peut-être, ben. Non, ben, Gaza, c'est un vieux nom. C'est très, très vieux, même comme nom. C'était déjà là, il y a plusieurs millénaires, Gaza. Très, très vieux. Ben, même. Là, ils bombardent, puis tout, puis ça, c'est à se demander si on ne va pas découvrir des vestiges, des artefacts. Ça peut arriver. C'est arrivé en Irak. Ben, les Américains se dépêchaient de les. Bon. Hein? Bon, mais ça a tout été, c'est le pillage, puis. Bon, juste ce qu'ils ont fait en Afghanistan, il y en a eu du pillage. C'est pas vrai que les talibans avaient tout détruit, là, ce qu'il y avait de culturel. Ce qui se revendait aujourd'hui, c'est chez des collectionneurs de New York, de Londres. C'est pareil pour des vieilles sculptures babyloniennes volées en Irak. Mais toute la région, l'Afghanistan, la Perse, l'Afghanistan, le nord de l'Inde, c'est des endroits importants. C'est des endroits importants. Puis bon, en tout cas. Hey, bonjour, Sébastien. Ariane, ils ont besoin d'argent. Ben, ils sont entrés en crise économique. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de redonner une valeur à leur argent. C'est comme qu'est-ce que j'ai vu dernièrement. C'est un Français, je pense, qui s'occupe de finances, il fait des petites chroniques, puis il dit aux gens, c'est très important d'épargner, là, puis de tout de suite en mettre de côté. Puis... Ben oui, mais si les monnaies sont dévaluées, si la France, parce que la France, Macron, il travaille vraiment pour les Rothschild, parce que c'est une machine endettée, une machine à produire de la dette. Il ne travaille pas pour les Français, il travaille pour les... Bon, vous comprenez? Donc, si la monnaie est dévaluée, là, ça sert à quoi d'accumuler de l'argent? Il y a des époques, les gens se torchaient avec des billets de banque parce qu'ils valaient moins que le papier de toilette. Parce que, bon, ça peut arriver rapidement, ça. Hein? Regardez l'Argentine, ce qui est arrivé. Bon. Legault l'a dit qu'en 2024, ça allait être la meilleure année. Ça commence bien, il est sur la panique. Il est sur la panique. Prenez l'affaire, le financement des partis. Ça donne rien de partir en peur de même. C'est comme s'il se sentait, je veux dire, imaginez ce qu'on ne sait pas. Bon, hein, puis là, c'est rendu en conférence de presse. Et... Shit, c'est ça qu'il a dit, hein, shit. Dans la province qui a eu l'Action nationale. Dans la province qui a eu des pamphletteurs tellement brillants. Qui ont tellement. On a aujourd'hui un gros bateau qui dit shit en conférence de presse. Regardez les pamphlets qui ont été écrits vers la fin des années 40 par certains Québécois, des pamphletteurs talentueux qui parlaient par rapport justement, il faut pas que le plan durable se réalise. Puis vous lisez ça, c'est comment il s'appelle lui? Vianney, c'est ça? Je me rappelle plus de son nom, ce pamphlétiste-là. Mais lui, il explique c'est quoi le plan durable. Puis si vous regardez aujourd'hui Legault puis Trudeau, ils font exactement le contraire. Je parle de ce qu'il faudrait faire pour pas que ça s'accomplisse. Détruire la nation, ça s'appelle. Bon matin, Philippe. Nous sommes foutus en France. Ouais. Mais même sans l'Ukraine, je veux dire. La France, c'est incroyable comment Macron, il y a plein de pays qui ont fait attention. Qui ont fait attention, même l'Italie, même, ben, prenez la Grèce, ils n'ont pas le choix. Mais lui, non, lui, envoyez l'argent. Incroyable. Incroyable. J'aimerais bien que vous approfondissiez sur les rêves. J'ai aimé votre dernière vidéo sur le sujet. Ici aussi, je dors, mais depuis quelque temps, sommeil perturbé par mes rêves. Moi, c'est parce qu'il y a différents types de rêves. Et on a même plusieurs types. Je parle même dans un type de cycle spécifique de sommeil, il y a différents types de rêves. Prenez. Ben c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile, là, comme ça. Ça dépend toujours. Donc, puis bon, les rêves. Les rêves, c'est très proche du phénomène de la pensée, tant qu'à moi. Puis on est plus passif qu'on le pense. Mais bon. Nous, les agriculteurs, sont retournés au bercail. C'est la révolution 2.0. Je les soutiens, bien évidemment, mais j'ai l'impression que tous ces mouvements sont mis en moi. C'est sûr que c'est infiltré. C'est comme les mouvements syndicaux, c'est tout le temps infiltré. Presque tout le temps, quand c'est gros, là. Quand c'est des gros mouvements, c'est sûr que c'est infiltré. C'est sûr, c'est sûr. Vous avez du sabotage à l'intérieur, probablement. Fait que, donc, bon, moi, je ne pensais pas que ça allait durer très longtemps, mais il va venir d'autres choses. Il va venir d'autres choses parce que ça se. Ben, bon, bonjour, Monsieur Saint-André. Ah, bonsoir, Madame Kusmanovitch. Ben, qu'est-ce que je disais donc? Bon, je suis mêlé. Mais c'est ça, il va arriver d'autres choses. Puis là, en Europe, la grogne commence Au fond, regardez ce qui est arrivé en Hollande. On n'en entend plus beaucoup parler. Hein. Est-ce que ça joue? En tout cas. Ah oui, le paradoxal, oui, le cycle de sommeil. Isa, quels agriculteurs? Je sais pas, ça doit être. Est-ce que ça change d'une région à l'autre, la mobilisation? J'ai vu qu'il y a un idiot qui a foncé dans un barrage, qui a tué une dame et une petite fille, là. En tout cas, la crypto va entrer bientôt en vigueur. Plusieurs pays sont déjà prêts. En même temps, Klaus Schwab a dit cette semaine que le plan de mondialisation serait retardé à cause des médias sociaux. Ça fait partie du plan de dénigrer le plus possible, dans le fond, la liberté d'expression. Parce que pensez-vous que les opinions émises sur les réseaux sociaux les ont ralenties? Ben voyons. Voyons. Puis je vais être franc avec vous, les gens de maintenant ont des opinions beaucoup moins tranchées, beaucoup moins. Ça n'a rien à voir là, avec les gens d'il y a 60 ans, là, des personnes que j'ai connues, là, qui étaient très âgées, puis qui avaient une façon de s'exprimer qu'aujourd'hui, on ne verra plus jamais ça. Ben, en tout cas, les syndicats, les hommes vendus, moi. Ils ont obtenu la mise en pause du plan. Éco-phyto, ce qu'il est moins. Ben, c'est partie remise, d'après moi. Ben, vous le savez, ces gens-là, ils veulent qu'on se nourrisse de. Bon. Ben, c'est de l'esclavage, c'est de l'esclavage. C'est ça. Vous savez, dans les plantations de coton, bon, ben, les Noirs, on leur faisait de la soupe au pois. Les Canadiens français, qui étaient des petits salariés, qui étaient une masse de prolétaires, ben, ils mangeaient de la soupe au pois. D'ailleurs, les Anglais les appelaient pea soup. Puis là, c'est des bébites, c'est des insectes. Ils veulent qu'on mange des insectes. Puis, vous savez quoi? Il y a des gens qui vont aimer ça. Hein? Comme Convoi Liberté, c'est le même style. Le but est de multiplier les crises internes. Ben moi, je pense que ces mouvements-là, c'est tout le temps de jouer infiltré à la base. Puis c'est pour ça que finalement, ça dessert tout le temps. C'est tout le temps récupéré puis retourné contre le peuple. La population. J'aime mieux dire la population parce que le peuple, c'est pas dans mon vocabulaire. Ouais. J'ai entendu, espérons que ça suffise. Ouais. Malheureusement, le mouvement des agriculteurs est infiltré. Il y a des agriculteurs qui n'ont clairement pas d'affaires là, selon ce que j'ai vu. Ben, c'est certain. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Dès qu'un mouvement de certaine ampleur, vous pouvez être certain. Vous pouvez être certain. Comme ici au Canada, entre autres, il y a la GRC et la SCRS. La GRC et la SCRS, le convoi des camionneurs, là. Puis, ça a été bien fait. On peut pas, je veux dire, ben, dans le fond, c'est l'expertise des Américains qu'on applique ailleurs. Comprenez? Regardez les opérations Gladio en Italie. Les Américains, est-ce qu'ils vont s'accuser de terrorisme avec ce qu'ils ont fait? C'est du terrorisme. C'est les pires terroristes de la planète. C'est les pires terroristes de la planète. Ils ont détrôné les Anglais, ça fait longtemps, dans le sens qu'ils financent puis qu'ils ont intérêt à l'instrumentaliser. Vous savez, le terrorisme, c'est un terme qui a été créé par les nazis pour décrire les gens qui se révoltaient, puis qui étaient résistants, puis qui, dans le cas du ghetto de Cracovie, là. C'est de là que ça vient, terrorisme. Prenez, le terme complotiste. Le terme complotisme, qui est un anglicisme, tant qu'à moi, ben, ça vient de les gens qui croyaient pas au rapport Warren. Là, la mort de Kennedy. Regardez les mots. Il crée des mots. Puis c'est tout le temps une façon de catégoriser, de sous-catégoriser des gens. Puis bon, quand on contrôle le langage, on contrôle beaucoup. Donc c'est une façon de créer des catégories. C'est basé sur un principe en psychologie qui s'appelle. J'ai un blanc de mémoire, je m'en souviens plus. Mais c'est connu, ça, je veux dire, c'est tout connu. C'est toutes des techniques connues, éprouvées, vérifiées. Le problème, c'est qu'on n'a pas été instruit. On ne nous en parle pas. L'affaire, c'est que depuis tout jeune, j'ai eu un intérêt très vif pour tout ça, puis j'avais l'impression que je me faisais manipuler. Que ce soit à l'école, en regardant la télé, même en écoutant les gens. Donc, ça m'a intéressé tout de suite. La psychologie de masse, c'est la plus intéressante. Puis elle n'est pas enseignée vraiment. On va reléguer ça au niveau un peu la sociologie, mais en tout cas, il faut. Oui, au final, les petits vont toujours souffrir. Oui, j'ai dû en perdre. Bon, excusez. Faut voir la tête de Rousseau, le PDG de la FNESIA. Il est tellement horrible. J'ai aucune idée. C'est quoi, c'est comme votre IPA, ça? Ici, on a l'Union des producteurs agricoles, que je considère comme une cochonnerie qui nuit à l'agriculture en imposant des normes qui n'ont pas de sens, qui empêchent la rentabilité des fermes, qui fait que les producteurs, même s'ils possèdent parfois en équipement des millions, là, ils sont pauvres, ils sont obligés d'emprunter. Parce que comme les mutuelles paysannes en France qui ont été infiltrées par la franc-maçonnerie, et bon, tout ça, ça fait longtemps que c'est pensé. Ils veulent industrialiser l'agriculture, mais ça fait longtemps qu'ils en parlent. Parce que même dans le temps des débuts de l'ère industrielle, il était de plus en plus question de faire des cultures au large, là, de la culture de masse. Puis bon, prenez... les Américains, comme les Christian Science et ces affaires-là, ben, ils pensaient de même un peu. C'est surprenant, mais oui. Prenez le docteur John Harvey Kellogg, inventeur des cornflakes et du beurre d'arachide. Il y avait déjà l'idée de, au niveau des céréales, la culture des céréales, d'industrialiser beaucoup. C'est un industriel, ce monsieur-là, dans le fond. Hein? Bon, là, j'en perds. Comme preuve de leur bonne volonté, ensuite, ils s'arrangent via les syndicats pour que la masse d'agriculteurs ici sabote le truc. Ouais, ben, c'est que vous allez voir, c'est souvent, ça finit, ça tombe comme un soufflet. C'est comme si c'était programmé. Mais quand il y a ça, c'est parce que le germe était déjà là. Puis c'est contrôlé sous de la. Hein? Juste voir qui fait des expériences sur l'homme, on a tout compris. Ben, l'affaire, c'est que il y a une science empirique de la sociologie quelque part. Je veux dire, comme quand Jean Charest avait sorti un anglicisme qui est la réingénierie. La réingénierie sociale. Quand on lit entre les lignes. En tout cas. Comme ça, ni vu ni connu, le plan est suivi toujours. Toujours depuis longtemps. Jusqu'à maintenant même, on peut dire que c'est... Mais moi, je pense que ceux des générations qu'on a maintenant sont moins compétents. Donc, l'UPA, c'est très corrompu. Oui. Bonjour, Valérie. Ben oui. C'est dans les pires choses. Prenez le mouvement Desjardins. Alphonse Desjardins avait créé les coops populaires, de caisses populaires, pour financer les agriculteurs, comme les petits agriculteurs qui voulaient partir. Puis, aujourd'hui, il y a juste comme une banque. Même c'est des usuriers. Là, je veux dire, des fois, ils font des choses à aucun sens. Il y a même un ancien PDG de Desjardins qui avait écrit un livre qui dit « Desjardins a vendu son arme ». Desjardins n'a pas vendu son arme. Desjardins a été dénaturé. C'est-à-dire qu'il est entré de plus en plus une infiltration qui a changé l'esprit. Puis Desjardins, comme il était, n'existe pas. Desjardins ne peut pas s'être fait voler son âme. C'est mort. C'est autre chose. Là. C'est autre chose. Avant, vous aviez une alvéole avec une abeille. C'était ça le logo de Desjardins. Aujourd'hui, c'est juste l'alvéole. L'abeille est morte. Il reste juste un trou, puis vous vous faites de bon. Mais prenez juste les banques, le service dans les banques. Moi, ça fait plusieurs fois des personnes âgées qui me rapportent qu'elles se font envoyer promener à la banque. Notamment, là, une banque que je nommerai pas, là, une vraie banque, là, pas une caisse populaire. Ça m'a mis tellement en colère. Mais l'affaire, c'est quand vous avez comme ça d'un mauvais service d'une banque, ben, achetez des actions. Achetez-en plusieurs pour une couple de mille. Là, arrangez-vous que ce soit une bonne institution, pas les perdre. Puis quand une employée est vraiment disgracieuse avec vous, qu'elle n'est pas correcte, vous écrivez à la maison mère, vous dénoncez nommément. Puis vous êtes actionnaire, vous avez des parts dans la banque. je vous jure qu'il va avoir des conséquences. Je veux placer, ça se peut que je place mes billes ailleurs. J'aime pas laisser vous contrôler. Votre personnel est mal formé, puis vous allez voir. Il y en avait une employée ici de banque, là, elle avait les cheveux mauves, là, puis moi, je n'ai pas fait de plainte. Quand je l'ai vue, puis je l'ai vue à juge, je disais, elle ne sera pas là longtemps. Mais c'est ça. Hein? Et puis, moi, est-ce que quelqu'un a vu si François a osé changer et avait supprimé sa chaîne YouTube? Je ne la trouve plus. Il a dû la mettre en privé. Il fait ça souvent. Tout d'un coup, toutes ces vidéos sont privées, on ne peut plus les voir. Puis quand, si vous faites le lien, si vous étiez allé avant sur une de ces vidéos, puis vous remettez le lien que vous avez en mémoire dans votre ordinateur, là, il va vous apparaître un écran qui dit « Avez-vous un code pour accéder à... » Ça, ça veut dire les aimants privés. Peut-être qu'il se faisait acharrer. Ça se peut, là. Tu sais, à un moment donné, il se tend. Ça peut arriver, là. On perd patience. Mais l'affaire Facebook, là... Être sur YouTube et sur Facebook en même temps, moi, je considère que ce n'est pas une bonne idée. C'est pour ça que moi, je ne suis pas sur aucun réseau social. Ça me fait bien moins de casse-tête. Ça me fait bien moins de casse-tête. Puis, il y en a qui surveillent à ma place. Il y en a qui sont bons. Ils surveillent plus de temps en temps. Là, ils m'écrivent. C'était l'affaire. Ils m'envoient des captures d'image. Pas grave. On s'en fout. Il y a une fois, par contre, que... Ah, il veut prendre une longue pause. Ben oui, mais YouTube, c'est pas vraiment un réseau social. Là. C'est pas comme. C'est pas mal. Ça dépend le genre de. Bon. Ça dépend le genre de vidéos que vous regardez ou que vous faites. Mais c'est pas aussi malsain que Facebook. C'est pas aussi. Ben, ça dépend. Là. Hein? Je vois pas Francis. Peut-être il a supprimé sa chaîne. Je suis sûr qu'elle n'est pas supprimée. Elle va réapparaître. À un moment donné. Un moment. Merci, Mister Guerrière, je m'en doutais. Moi, ben. Mariana. Oui, Francis a supprimé sa chaîne. Il veut prendre une longue pause. Ça fait plaisir. OK, oui, vraiment. Ça fait plaisir que. Mister, je sais qu'il a dit qu'il va prendre la distance. C'est Facebook la merde. C'est pas YouTube tant que ça. C'est ça, mon gars. Moi, quand en 2012, j'ai supprimé mon compte Facebook. Je savais que je ne le réouvrirais plus jamais. J'ai été quelques mois sur ça. J'ai trouvé l'ambiance tellement malsaine. J'ai trouvé que c'était tellement pollué que c'était tellement... Je n'étais plus capable. Facebook, c'est de la... De toute façon, ça continue, Facebook, bon, ben, moi, je pourrais y aller sur Facebook. Je veux dire, mon public doit être là. Mais prenez les jeunes, là, genre 20 ans, là, dans la vingtaine, Facebook, là, il y en a qui sont dessus, mais c'est plus ça. Hein? Même quand j'ai ouvert mon premier compte Facebook, je trouvais que c'était surtout du monde de... Puis j'étais ami avec du monde même, pas les moindres. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, dans 24, je vous flush tout dans 24 heures, je vais refermer mon compte. Puis il n'y a personne qui ne m'a rien écrit, rien. 24 heures après, mon compte était fermé. Mais c'est parce qu'on voit ça souvent sur Facebook, genre j'ai fermé mon compte, puis le compte disparaît puis il réapparaît pas longtemps après. C'est quoi une addiction? C'est quoi? YouTube, c'est pas pareil parce que ça ne va pas. L'addiction est loin d'être pareil parce que c'est loin de me faire. C'est loin d'être grisant. Souvent, on ne trouve pas du tout dans le YouTube. Ouais, mais moi j'avais été voir sa vidéo sur le mariage. Donc, je l'avais en mémoire dans mon historique. Puis quand j'ai voulu aller voir sa chaîne, j'ai vu qu'elle n'était plus là, j'ai été dans l'historique, puis j'ai remis cette vidéo-là. Puis ce qui m'apparaît, c'est un écran qui dit « Si vous avez reçu un code pour pouvoir écouter cette vidéo, ben connectez-vous pour confirmer. » Ça, ça veut dire qu'elle n'est pas fermée, sa chaîne. Il a tout mis ses vidéos en privé. Puis une chaîne sans contenu, c'est dur à trouver. Sur YouTube, là... À un moment donné, Fergus, il avait tout effacé ses affaires, puis je le cherchais sur YouTube, puis je le savais qu'il y avait encore une chaîne. Puis je voulais juste voir, je me dis, il doit publier dans la communauté, des choses comme ça. Puis finalement, je tombais sur plein de Fergus. Mais jamais lui. Donc, une chaîne sans contenu, c'est pas répertorié pareil. Puis si vous la tapez dans le moteur de recherche de YouTube, ça donne pas grand-chose. Ça va être long. Il faut en passer des pages des fois pour retrouver. Francis, il dit qu'il a supprimé ses vidéos. Ah oui. Bon, ben coudonc. N'importe quel réseau sert pour récupérer nos infos, nos données, le stock. Et un jour, ils vont utiliser ça contre nous, c'est certain. L'affaire, c'est que, ben, c'est pas nécessairement. L'affaire, c'est que prenez des agences de renseignement qui fichaient. Dans le temps, c'était des fiches là, dans des classeurs. Puis aujourd'hui, on a éliminé les supports, papier. Les gens se fichent eux-mêmes. Imaginez comment ça coûte. C'est plus pareil, les budgets, on peut mettre l'argent un peu ailleurs. Hein? C'est pas fou quelque part, je veux dire. Mais maintenant, vous êtes l'agent du gouvernement, mais vous ne le savez pas. Vous vous fichez vous-même. J'en ai parlé souvent. Mais moi, c'est pour ça que Zuckerberg, j'ai jamais cru que c'était lui qui avait créé Facebook. Comme c'est l'armée américaine qui a créé Internet, puis Facebook, à mes yeux, c'est une co-création Mossad du IA. Il y a vu toutes ces agences-là, entre autres. D'habitude, ils se tirent la couverture, surtout à l'interne, aux États-Unis, la NSA, puis bon. Mais des fois, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils se font mettre, ils ont les mêmes patrons, des fois. Pas tout le temps ce qu'on pense, en tout cas. C'est très polarisant, Facebook. Et d'après moi, Francis était bien écœuré de la marde. Ouais, ben c'est parce qu'il y a tout le temps des fatigants. Une fois que tu t'es fait spotter, tous les frustrés, ils veulent se défouler, ils viennent te voir, puis ils essayent de s'essuyer les pieds sur toi. Donc, à un moment donné, je peux comprendre. Moi, je voudrais que ça s'aille vite, mais j'ai pas de réseaux sociaux à gérer. Juste ma chaîne. C'est bien correct, là. Hein? Peut-être Francis, il s'est marié, il veut peut-être aller s'est marié, vous m'étonnerez, hein? C'était quoi sa vidéo? Le mariage, c'est de la merde. C'est du cas par cas. Ça dépend du contexte. Ça a été civilisateur, puis ça a été. C'est une institution sociale, le mariage. Ça a été civilisateur. Ça a été structurant. Pareil, qu'on le veuille ou pas, ça a préservé des structures familiales. Ça, bon, c'est pas tout acheté, là. Au contraire. Au contraire. Comme un couple marié, je veux tout à respecter. Tu sais, je veux dire, à mes yeux, c'est quelque chose, on touche pas à ça. C'est comme. Mais là, je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais pour moi, un mariage, c'est sacré. Un mariage, c'est sacré. Puis, bon. Mais ça, sacré, dans le sens. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Qu'est-ce qu'on veut. Dans le sens. Il y a une sanctification jusque dans l'invisible, quelque part. Je veux dire, quand vous vous mariez, vous, c'est pas juste pour l'annoncer au village puis à la famille. Vous l'annoncez à toutes. Il y a un peu de ça, là. Pourquoi les gens allaient devant l'hôtel pour se marier? Bon. C'est très polarisant. Moi, je n'ai jamais pu aller voir. Oh. Peut-être, enfin, moins. Quand vous tapez Berthold, vous tombez sur plein de Berthold. Oui, il y en a plusieurs. Ben, moi, je trouve que ça apparaît souvent, là. Je veux dire, si vous tapez Berthold. Mettre quelques mots qui n'ont pas de bon sens à côté, comme supramental, puis là, je vais apparaître. Faut mettre les. Bon. OK, bon. Ça bug. Comment ça, encore? Pourtant, ma connexion est correcte. C'est quoi ça, encore? Ma connexion est correcte. En tout cas. Il a trouvé une princesse. Ah, 60 ans de mariage, mes parents. Oui, c'est beaucoup, hein? Ça commence à être long. Ça commence à être long, mais là, ça dépend tout le temps, comme c'est du cas par cas. Il y a des gens qui sont mariés depuis 60 ans, ça fait pas longtemps. Il y a des gens qui sont mariés depuis 20 ans, puis ça fait longtemps, il est temps qu'ils s'arrêtent. Ça dépend, hein? Bonjour, si la famille est attaquée, c'est pas pour rien, voilà. Ça bug pas, OK. Ah, ben, Mister Guerrière est à Montréal. Peut-être c'est à cause de ça. Mariage avant et aujourd'hui, c'était. Mariage avant et aujourd'hui, c'est incomparable, tout à fait. Tout à fait. Comme ma voisine qui me parlait d'Henriette à un moment donné, elle dit, il a inventé le divorce. Je dis, non. Ben non. Voyons donc. Il n'a pas inventé le divorce. Ça existait déjà, mais il voulait l'avoir, puis le pape voulait pas. Voyons, même dans l'Ancien Testament, il y a des divorces. Ils appelaient ça un guet. Un guet, ça s'appelle. C'est quand tu répudies ta femme publiquement, puis là, tu peux te remarier après. C'est arrivé. C'est vieux le divorce, aussi vieux que le mariage, selon moi. Mais bon, c'était sous d'autres formes, peut-être. Hein? Donc, Mystère, ça doit être mon réseau. Ça se peut parce que, comme je vous dis, moi, ma connexion est correcte. Ben, ça a protégé la cellule familiale. Ben oui. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a craché parce que, justement, on polarise. Il n'y a pas, je veux dire, prenez là. Je regardais le journal de Montréal ce matin, puis c'est juste ça. C'est juste ça de la polarisation. Là, ils font des articles pour dénigrer la première ministre de l'Alberta qui a fait des lois pour empêcher les mineurs de se faire mutiler, là. Puis l'article qui est dirigé, là, c'est pour là, c'est une pas correcte, là. C'est un monstre, cette femme-là. Là, je descends, je lisais les commentaires. Si vous lisez les commentaires, vous allez comprendre pourquoi ils ferment les commentaires, le Journal de Montréal. Il y avait tous les commentaires étaient en faveur de Mme Smith. Tous. Les gens. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas dans une démocratie parce que ce n'est pas la majorité qui décide dans le fond. C'est une minorité. Puis on le voit par les journaux. On le voit par les journaux, puis les journalistes, c'est des prostituées. Vraiment, là. Vraiment. Puis là, journaliste, c'est un beau grand mot. Un beau grand mot. Des affaires comme José Legault, c'est pas une journaliste, ça, tant qu'à moi. Ça n'a rien à voir. Elle a fait de l'opinion, elle fait bon. Elle ne fait pas des reportages à aller fouiner partout, là. Hein? Juste la voir se lever de sa chaise, ça doit être impressionnant. Hein? Bon, mes parents ont fait 70 ans. C'est vraiment bien. Pourquoi on soulignait ça, puis on disait les noces de. Bon, en tout cas, d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui sont restés ensemble qui ne s'enduraient pas. Mais ça a gardé une stabilité qui fait que, comment je pourrais dire ça? Souvent, ils restent ensemble pour les enfants. Hein? Tant que les enfants ne sont pas partis, ben, la famille, c'est lié à la conscience, puis ça a rapport avec les responsabilités un peu. De la conscience, c'est de la responsabilité. Fait qu'il y en a qui ont mais des beaux mariages, qui ont je veux dire, d'amour, là. Sur des périodes extrêmement longues, il y en a. Il y en a. On essaie de nous faire croire que c'est de la mythologie. La mythologie. Bon, ben, ça existe. Bon, moi, j'en ai jamais vu, mais ça existe. Hein? Bon. Mariage aujourd'hui, c'est plus intérêt qu'autre chose. Je ne le sais pas. Je ne suis pas sûr. Il n'y a plus des affaires de dot. Aujourd'hui, les lois font que, bon, je ne sais pas. Je suis pas sûr. Ça dépend. C'est du cas par cas encore. Mais parce que je me rappelle, moi, j'avais un correspondant qui était camerounais. Justement, sur Facebook, un professeur de philosophie. Puis il voulait, lui, venir vivre au Québec. Puis à un moment donné, il réglait ses affaires de famille sur Facebook devant tout le monde. Puis là, il chialait après une de ses nièces parce qu'il était chef de famille. Puis il disait, un tel, je ne veux pas le voir dans notre famille tant qu'il n'a pas payé sa dot. À un moment donné, je lui ai écrit en privé, j'ai dit, vous ne pouvez pas tenir des discours comme ça, pas dans le sens que c'est interdit, mais dans le sens que vous allez vous nuire. Puis j'ai expliqué, j'ai dit, le Québec, c'est un matriarcat. Faites très attention à ce que vous dites. Quand vous allez arriver ici, vous allez voir, c'est toutes des madames qui vont vous dire quoi faire, c'est eux autres qui vont être en autorité au niveau des fonctionnaires, des choses comme ça. Puis ils me croyaient pas. Ils me croyaient pas. C'est sûr que pour lui, ça devait avoir l'air de la science-fiction. Mais pourtant, c'est ça, là. Fait qu'il a fallu qu'il apprenne à se taire. Dans le sens que, bon, moi, comme je parlais de ma voisine, les gens qui me voient tous les jours me connaissent moins que les gens qui m'écoutent. Carrément, parce que je ferme ma gueule. Ici, je vais parler tout ce que je ne parle pas. Dans ma vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que pour socialiser, puis bon, on n'est pas pour. Hein? Il y a des sujets qui, en société, Mais pourtant, il faut les aborder pareil. Il faut que ce soit à la bonne place, là, le bon endroit. Bon, en France, les enfants peuvent porter plainte contre leurs parents. Le respect parent en voyage, oui. Ça, c'est tout à fait normal. Puis ça, je veux dire, comme au Québec, ça a tout le temps été. Dans le sens que un parent qui commettrait un voie de fait grave sur son enfant, là, c'est carrément les criminels poursuites et pénales qui vont porter plainte à la pour l'enfant. Pour l'enfant. L'affaire, c'est que les enfants, c'est pas une priorité. C'est pas une pri Oui, c'est une priorité, mais c'est pas une propriété. C'est pas une propriété. Dans le sens que. Voyons pourquoi je disais ça. Ben, c'est normal qu'un parent, un enfant puisse porter plainte contre son parent s'il y a quelque chose qui se passe, là. C'est pas normal, des cas comme on a vu, des enfants qui se sont fait martyriser jusqu'à leur mort devant tout un village sans que personne réagisse. Ça, c'est des temps qui. Pourtant, les lois existaient déjà. C'est-à-dire que si l'enfant avait dénoncé, avec les preuves qu'il y avait, le ministère public l'aurait appuyé. J'ai pas eu le temps de vous lire, Mystère Guerrière. J'ai juste vu qu'il y a de quoi qui a disparu. Les médias sont forts pour fermer les commentaires quand ça va pas dans leur sens. Même des fois, le Journal de Montréal, si c'est un certain type de sujet, ils vont fermer les commentaires d'avance. Ils vont pas attendre. Ils les ferment. Il y a des choses, l'article vient d'être publié, les commentaires sont fermés. Ça dépend tout le temps du sujet. Mais comme les gens ne peuvent pas s'exprimer dans les commentaires sur certains médias, là, ils vont se défouler dans les médias sociaux. Là, il y a là le stock. Être dans les agences de renseignement, moi, c'est là que j'irai aux fraises. Mais pas dans les commentaires des journaux. Hein? Ça a sauvé quelque chose, le sacré. Ben, le sacré. Comment je pourrais dire ça? Si on n'a plus de notion, par exemple, que la vie est sacrée, ben là, c'est la porte ouverte à toutes les horreurs, toutes les dérives. Donc, bon, ça dépend pourquoi. Il faudrait que j'aille voir plus loin. Une fois qu'il m'a dit, attention, si tu te maries avec un Camerounais, tu vas nourrir toute la famille. Ben, encore là, ça doit être du cas par cas, mais il y a peut-être des généralités au sens que statistiquement, il y a une majorité qui. Ça arrive. Ce genre de choses, on n'ose pas parler, comme le fait qu'il y ait des exceptions. C'est comme si il faudrait ignorer. Il faudrait ignorer que. Ça dépend, là. Mais il y a certaines cultures. En plus, moi, je trouve que les Africains, par exemple, puis les Haïtiens s'entendent pas. Ça m'est arrivé. J'avais vu ça à un moment donné. Je sais pas, c'est une Haïtienne qui parlait en créole à une Africaine. Puis l'Africaine, elle s'est choquée. J'ai pas. La colère, là. Est-ce que c'est nécessaire? Ben, elle ne savait pas. Bon. En tout cas. Une fois. Ok, ça, je l'ai vu. Ouais, ben, c'est normal. Oui, ben, c'est normal, heureusement. Même. Le mariage est un des seuls contrats signés devant témoin. Ben, techniquement, pour que ce soit valide. Devant témoin, ça va bien au-delà du plan matériel. Oui. C'est ce que je pense aussi. De toute façon, dès que vous êtes proche de quelqu'un, il y a des choses au niveau de l'épigénétique, il y a des choses. Bon. Ça change même votre. Ça change même. Ça vous change même vous. Ça change votre flore bactérienne, ça change. Être proche de quelqu'un, ça vous transforme dans des subtilités qu'on n'a pas idées. Prenez, il y en a un, là, un Américain, là, qui était un évangéliste, qui voulait évangéliser, puis il a voulu aller évangéliser l'île des Sentinelles, le North Sentinel, proche de l'Inde, là, qui ça appartient à l'Inde d'ailleurs. Qui est une tribu que tu n'as pas le droit d'aller là, personne n'a le droit d'y aller. De toute façon, tout le monde qui débarque sur les plages se fait tuer immédiatement. Bon, ben, cet homme-là, lui, il voulait aller évangéliser les sentinelles. Mais c'est parce que ces gens-là sont coupés du monde depuis près de 60 000 ans. Qu'est-ce qui serait arrivé, vous pensez? Ils ont raison d'abattre le monde sur la plage, tant qu'à moi. Ils seraient morts, là. il aurait pu tuer et exterminer toute l'île, juste par le fait que au niveau de son système, c'est pas le même. C'est pas la même flore, c'est pas pareil. Donc, vous voyez comme c'est pas intelligent. Moi, je veux évangéliser, je veux sauver les âmes, donc je vais aller faire mourir 30 000 personnes sur une île. Mais leur âme va être sauvée. Pensez-vous qu'il y aurait le temps d'évangéliser avant qu'ils meurent? C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est de la folie, là. C'est de la folie. Mais, ben vous savez quoi? Moi, je pense que les évangiles, c'était pour nous rendre plus lucides, pour nous rendre plus intelligents. Mais que à force d'accumuler des poubelles depuis plus d'un millénaire et compagnie, ben finalement, les évangiles nous rendent stupides. Mais tout est reçu selon la forme du contenant, dirait David, citant Moreau. Donc, bon, ben moi, j'ai de la misère à comprendre comme un jeune homme dans la vingtaine, intelligent, qui a des bonnes notes, qui était être aussi con. Le problème, c'est pas l'intelligence, c'est la conscience. Il n'y a pas de conscience, là. Évangéliser les sentinelles, là, ça sert à rien. Dans le sens que le gars, il aurait été aussi bête de sauter du pont. Ça va plus vite, c'est le même résultat, puis les sentinelles sont correctes. Bon, de toute façon, en tout cas. Fermer les commentaires, parfois c'est bien, mais parfois non. Ça peut servir bien comme mal, ça dépend. Moi, sur le contexte. Au Québec aussi, mais des fois, il y a des parents qui abusent aussi et qui méritent de se faire poursuivre. Je suis parfaitement d'accord. Mais il y a de l'abus chez ceux qui poursuivent aussi. Ben, c'est comme ça, pas mal dans tout, hein. Vous vous rappelez la Vigueur? La famille La Vigueur? La fille, la plus jeune, avait poursuivi son père en le traitant de c'est incroyable, là, je veux dire. Bon, en tout cas, elle était battable. Elle était battable. Finalement, c'est le cancer qui l'a eu. Pourquoi je trouve ça drôle? Je dois être fatigué, hein? Je ne sais pas si vous avez lu les commentaires. C'est possible pour vous de faire un audio sur le thème. Sur le thème du pardon. Ben, d'habitude, je les lis les commentaires, mais quand j'ai une nouvelle vidéo, je vais être porté à pas aller voir les autres. Donc, il y a beaucoup d'abus dans la famille, mais ça reste tabou. Ben, c'est parce que là, on essaie de faire passer des choses qui sont des abus pour que c'est pour normal. Puis il y a des choses qui sont normales que là, ça va passer pour des abus. Ce qui est arrivé en Alberta, Danielle Smith, là, c'est elle qui passe pour pas correct, là. Dans le fond, elle veut protéger les enfants. Elle va être montrée par les médias comme c'est le contraire. C'est le contraire. Prenez Justin Trudeau dernièrement. Moi, je déteste Tucker Carlson. Je suis pas capable. Je trouve que c'est un imbécile, ce gars-là. Puis il est venu dire quoi? Il est venu dire, oh, regardez à Montréal, ils sont en train de perdre leur héritage francophone. Encore un esti d'Américain qui pense que Montréal, ça a été fondé par les Britanniques. Ah, esti crétin. Là, après, Trudeau est allé dire à Tucker Carlson, de Tucker Carlson, le conservateur d'extrême droite. Ça apporte du moulin à Tucker Carlson, ça apporte du moulin à Trudeau, c'est du théâtre dans le sens que moi, si Justin Trudeau me traite d'extrême droite, diffamation, poursuite, suite. Il est automatique, là. Pensez-vous que Tucker Carlson va poursuivre le gars qui fait sa publicité? C'est de la polarisation. Moi, son affaire, là. Oh, Montréal est en train de perdre son héritage anglophone. Va donc chier, câlisse d'innocent. Asti de crétin. Vraiment, là, fuck you. Reste donc chez vous. Ou bien en Alberta. Mais viens pas nous. Moi, je viens en tabarnak. Ça m'enrage. Paris Hilton était venu, elle devait avoir pour ouvrir une boîte de nuit. Puis là, le journaliste, il disait, ça devait être Nabo Patente, là, qui, les journalistes culturels. Il avait dit, comment vous trouvez ça, le Québec? Puis là, elle avait dit, c'est où ça, le Québec? C'est en Europe? Les Américains, moi je suis d'accord avec eux autres qu'il faut fermer la frontière. Mais c'est pour eux autres. Pas, bon. Moi, le monde qui parle en espagnol, je trouve, je comprends pas ce qu'ils disent. Fait que c'est moins déplaisant. Je comprends un peu, là. Comment discerner l'identité réelle quand on épure la mémoire de la personnalité? Il nous vient un nouveau mode de communication interne entre nous et le contact. Mais discerner notre unicité. Comment discerner l'identité réelle? L'identité réelle, c'est ce qui revient tout le temps. Dans le sens que, comme... moi, c'est comme un éternel retour, dans le fond. Dans le sens que on a des phases qu'on se décentre, puis on se laisse polluer, puis, mais l'identité réelle est toujours là. Moi, c'est de même que je l'identifie dans le sens que c'est la base qui a tout le temps été saine, puis qui m'a préservé, dans le fond. Mon identité réelle, elle va se manifester comme un mécanisme de survie quand je suis en mauvaise position. C'est quand ça va mal que c'est le plus fort. C'est difficile de la personnalité. Il nous vient un nouveau mode de communication, oui, entre nous et le contact, mais discerner notre unicité. Ben, à un moment donné, moi, à mes yeux, le contact, c'est moi, mais ben, un autre niveau. C'est comme un autre moi, mais un autre niveau. Puis, il y a de l'information qui circule. Parce que l'affaire, il y en a, ils veulent travailler avec des entités, des affaires de même. Moi, dès que ça se présente, moi, je flush tout de suite. Dès que ça se présente comme un peu comme des... je flush tout de suite, même quand c'est des proches, dans le sens que ça m'est arrivé d'avoir, à un moment donné, c'était... j'étais entre l'état de veille et de sommeil, puis à un moment donné, je me mets à parler avec mon père qui était décédé. Puis là, j'étais pas content. Puis je bon, en tout cas, j'ai mes raisons de... je considérais ça comme de la manipulation. Puis là, finalement, je demande, je dis, grand-mère, es-tu là? Sa mère à lui. Puis là, maintenant, c'était ma grand-mère, dit, bien sûr que je suis là. Genre, qu'est-ce que ça va faire? Je vais couper ça. Parce que c'est de la manipulation. Dans le sens que, ben, c'est ça. Bon, donc, si ça vient pas, tu sais, je veux dire, il faut que ça vienne de moi, puis pas de moi. Faut que ça vienne de moi, mais pas de l'ego. Sinon, je flouche. Automatique, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance, j'ai aucune confiance. Puis je me fais encore avoir à cause de ça. Souvent. Puis de toute façon, on vient écœuré. Moi, je viens écœuré. Parce qu'à chaque fois, je le dis, à chaque fois, je m'inquiète pour quelque chose. Tout le temps, inquiète-toi pas. À chaque fois, je suis malade. Arrête de te plaindre, tout va bien. Eux autres, c'est tout va bien, tout est parfait, c'est merveilleux. Mais à un moment donné, là, c'est pas vrai que ça va bien. Des fois, c'est pas vrai que ça va bien. Te faire répondre, ça va bien, ta gueule, arrête de te plaindre. Tout le temps, en train de te plaindre. Ça, c'est, dans le fond, moi, j'ai l'impression qu'ils veulent faire l'effet contraire. C'est comme quand quelqu'un est en colère et qui est énervé, puis tu dis calme-toi. Ça a l'effet contraire. Mais c'est pas des stratagèmes comme ça à un moment donné. Québécois, je vous aime bien, mais pas les mauvais. Moi, bref. Comment je pourrais dire ça? Je sais pas. Le ton change quand ça nous manipule à l'interne. On défait facilement en questionnant pour tester le contact pour dévoiler si c'est astral ou réel. Une affaire, j'ai remarqué, l'astral, là, même quand ils n'ont pas la réponse, ils veulent répondre. Même quand ils n'ont pas la réponse, là, ils vont répondre. N'importe quoi. C'est des papoteurs. C'est des papapapapas. Ça n'arrête pas. Tout de même, moi, je reconnais le plus, surtout si ça me répond quelque chose de pas intelligent, puis que je le vois, puis je le retourne. Là, pouf, ça ferme. Là, il aime ça, il aime pas ça. Mais le contact, là, je parle de vrai, là, des fulgurances, puis c'est même pas pareil. Je veux dire, je peux même pas dire que ça répond. C'est comme tu te fais rentrer une information de force, puis tu le sais que c'est ça, puis c'est tout le temps ça. Quand c'est à ce niveau-là, là. Mais comme un nouveau moi. Ben, si on considère que l'ego au niveau de son expérimental qui a accumulé, puis tout, que jusqu'à un certain point, il n'est pas réel. C'est le nouveau moi, c'est comme le vrai moi, peut-être. le faux moi, il meurt. C'est comment il disait ça, l'autre? Il dit, le vieil égo, il meurt. Dans le fond, c'était un peu comme. Ben, c'est ça, c'est peut-être passé de chenille à papillon. Est-ce que c'est un nouvel insecte? C'est une nouvelle phase. Mais le fond, il est tout le temps pareil, il est tout le temps. Je partage cette vision. Pour moi, le contact, c'est nous, ou une partie de nous hors égo. Ben, on a été coupés, on a été divisés, on a été. Dès la naissance, juste par l'entourage, par un paquet d'influences subtiles, on commence à se diviser en des multiples nous, on finit fragmentés. On finit, puis on s'en rend pas compte parce que c'est comme si un miroir éclatait, mais il y a tellement de petits morceaux, sont tellement étendus qu'on voit encore notre reflet dedans. C'est pas comme, par exemple, la schizophrénie, on va dire schizos dans le sens, là, il est séparé pour vrai, là, il y a même plus de. Ça dépend. Là. J'ai jamais eu le contact avec les morts, et heureusement, en tout cas, pas à ma connaissance. Moi, je pense que la plupart du temps, c'est pas ça. Ça va prendre la mémoire. Parce qu'ils ont accès aux archives. Ils vont prendre la mémoire de gens que vous avez connus, puis s'en servir. Puis c'est pour ça, moi, que tout ce qui est rapport à ce qui est lié à des morts, je veux rien savoir. À rien, rien, rien. On prend pas de chance. C'est de pas prendre de chance. C'est comme le spiritisme, ces affaires-là, là. Il n'y a pas de chance à prendre. Pourtant, j'ai vu ça, un sceptique, il virait bout pour bout. Au début, il croyait à rien, il croyait pas qu'il y avait des phénomènes, puis tout. Là, une fois qu'il a constaté qu'il y avait vraiment des phénomènes, là, il croyait tout, tout, tout, ce que c'est. C'est incroyable quand même. Il est chopé. La dingue, ah oh, oui. Je savais que. Oh, j'ai pas le temps de lire. Oh, un instant, là. C'est pas que quand j'en ai un, je sens où je suis en train de le lire, vous en rajoutez un autre. Je le perds, là. Je suis pas capable d'aller le chercher. Mais ça, c'est une maladie que je. D'habitude, on voit ça dans les vieux dictionnaires médicaux, là. Je savais même pas que. Bon, je suis pas capable d'aller le chercher. Le contact informe, ça explique rien. L'astral explique longuement des affaires biaisées. Bon, le contact, il va montrer. Je veux dire, biaisé, mais le contact informe et ça sort toujours. Ouais. Ouais, il va montrer quelque chose. L'astral, il va expliquer. Il va tourner autour du pot, il va prendre des. Ça finit plus. Tandis que le contact, c'est bang, c'est comme une image claire, même pas besoin de mots. On le sait. Ça m'était arrivé une fois par rapport à mon père. J'ai su qu'il viendrait me donner de la. Je l'ai su vraiment comme pour me. Ça m'est arrivé de me faire prévenir comme ça. Une fois, il y a une propriétaire que moi, je faisais des démarches pour m'en aller. Puis, je sais qu'elle et son fils, ils voulaient me squeezer comme un citron le plus d'argent qu'ils pouvaient. Donc, eux autres, ils voulaient me garder. Puis, je me doutais qu'ils étaient arrangés ensemble. Puis, à un moment donné, je faisais ma vaisselle. Puis, j'habitais une cave, là. C'était même pas un demi-sous-sol. Les fenêtres, c'était des margelles. Je voyais même pas dehors. À un moment donné, j'étais en train de faire la vaisselle, puis ça me dit, Céline est dehors. Je dis, OK, puis là, je continue à faire ma vaisselle. Céline est dehors. Fait que je monte l'escalier. C'était comme, oh, j'en joue encore en perle. Je monte l'escalier, je sors dehors, puis je vois ma propriétaire avec son fils en meeting dans son VUS à elle. Puis ils sont en train de se parler, puis je sais qu'ils se parlent de moi. Puis là, ils sont en train de se concerter sur la prochaine stratégie à adopter pour pas que je me serve des lois pour casser le bail. Puis c'était exactement ça, là. Mais quand ils ont vu que je sortais comme ça de nulle part, puis que j'approchais, puis ils étaient les deux. Ben, bon. Ces fois-là, quand c'est fort de même, on sait que c'est. Dans ce temps-là, je vérifie. Alors, je vais en manquer, là. La programmation, si je me questionne, je vois beaucoup d'aspects de la programmation. Mais la programmation de l'individu, c'est quoi? C'est un tableau plus vaste qu'il y a des traits de caractère, oui. Il y a différentes programmations, ça englobe tellement de choses. Comme juste, je sais pas, moi, quelqu'un qui mange ses émotions, c'est un programme. Ça fait partie de sa programmation. Ça fait de la programmation. Mais c'est de la programmation accessible. Dans le sens que la personne, si elle fait vraiment un effort, dans le sens qu'il y a une volonté réelle, elle peut déprogrammer. Mais par contre, il y a des programmes que, je veux dire, si le programme, c'est à tel âge, tu fais une leucémie, puis tu meurs, c'est dur, là. C'est plus dur à éviter parce que c'est des programmes où ça va dans le cellulaire, la génétique, puis. Je sais que Bernard, il a dit à quelqu'un sur son lit de mort qu'il succombe à sa programmation. Puis, quand j'entends tout ça, je peux dire. En tout cas, on succombe tout le temps à notre programmation. Je voulais dire celle de la grosse, là, la grosse affaire, la grosse. Dans le fond, là, les petites programmations, on joue avec toute notre vie comme des diversions. On se fait ramasser à la fin. C'est quoi qu'il disait, donc, même à la fin, on va t'avoir, on va t'avoir. Je sais pas. Et depuis, même avant, la structure affective psychologique se structure par nos états et perceptions. Oui, l'affaire, c'est que c'est surtout le fait que c'est inconscient. Il est là le problème. Être un programmateur, c'est de la conscience. Être responsable de la programmation, c'est de la conscience aussi. Dans le sens que, bon, par exemple, quelqu'un qui a toujours le dernier mot, est-ce que sa programmation ou un aspect de sa programmation? Je me sens visé, mais là, elle a toujours le dernier mot. Ça dépend. Est-ce que c'est quelqu'un qui a le dernier mot parce qu'il a raison, c'est quelqu'un qui a le dernier mot parce qu'il a décidé que mon père était de même un peu. Ah, mon père, là, j'y amenais la preuve. Le dictionnaire, les papiers de cadastre, peu importe la preuve, j'amenais, il continuait à m'ostiner. Oh, il y a une erreur sur ton papier. Je venais à un moment donné. Là. Les morts, ils doivent vivre avec des morts et vivants avec des vivants. Ouais. Ben oui. Mais il reste que, qu'on le veuille ou pas, les morts, ils ont besoin des vivants. C'est nous autres qui n'avons pas besoin des autres. Elle a la pogne. En tout cas. J'ai aussi pogné de le dingue. OK, le prix à payer pour mettre des kilomètres entre nous et les José Legault, c'est un bon marché. Ouais, mais ça, le dingue, c'est en Afrique, ça. C'est dans des coins comme ça que ça. Je sais que j'ai déjà vu ça dans des vieux dictionnaires médicaux des années 50. J'avais un dictionnaire médical des années 50. Dedans, à féminisme, il était écrit que c'était une femme très masculine avec une forte pilosité. C'était ça du féminisme, c'était quelqu'un qui était mal. C'était une maladie, c'était une condition médicale d'une femme très masculine. C'était spécial, là. Mais ça a déjà été un terme médical, semble-t-il, pour parler de des femmes très, très masculines, puis que ça viendrait aussi avec des troubles psychiques, puis ce serait lié entre autres à l'endoctrinopsychologie. Bon, en tout cas, programmé dans l'ADN, on va passer de la programmation, l'ADN. Je veux dire, il n'y a pas plus, c'est un code, le code génétique, c'est de la programmation. Pourquoi l'être humain a créé l'informatique? Parce que c'est un copieur. C'est un singe, il singe la nature. Dans le sens que c'est déjà pas mal ça. Puis, ben franchement, regardez l'astral. C'est comme de l'intelligence artificielle. Il y a moyen de les coincer. Ils se font avoir. Prenez, comme il y a quelqu'un qui me parlait des rêves lucides dans les commentaires, puis il disait des fois, en regardant ses mains, on peut voir si c'est un rêve lucide ou pas. Ben oui, c'est l'astral a beaucoup de difficultés à reproduire les mains. C'est très complexe, les mains. Mais l'astral, c'est quasiment comme un monde, c'est de l'information, mais comment je fais? C'est hyperbolique, c'est pas topologique. Je sais pas si vous comprenez. Dans le sens, c'est des images. Ils sont pas capables de reproduire la mécanicité complexe d'une main. Ils ont bien, ça, ben, c'est pas parfait, là. L'astral, c'est des formes, là. On est quasiment dans bon. Je parle de ce qu'ils utilisent, au niveau de la perception. Donc, des fois, oui, dans un rêve, vous pouvez regarder vos mains, vous allez voir, il y a un défaut. Comme quand vous faites générer des images par intelligence artificielle, ils ont de la misère à reproduire les mains, ils ne sont pas capables. beaucoup de difficultés à reproduire des mains, c'est pareil. Donc, oui, prenez la cybernétique, ces affaires-là, c'était présent dans la nature. En tout cas, l'ego veut toujours le demi mot. Je ne te vise pas particulièrement, non, je dis ça en joke un peu. J'ai été ostiné avec ma mère longtemps. Moi, je peux pas vraiment avec la mienne. Ma mère. Les morts, ils ont besoin de notre énergie, oui. Puis aussi, le fait qu'ils ne sont pas créatifs. Dans le sens qu'ils n'ont pas d'expérimental réel. Dans le sens qu'ils ont juste la mémoire. Puis pour avoir du nouveau, puis évoluer quelque part, il faut qu'ils vivent par procuration à travers les vivants. Sinon, ils ne peuvent pas accumuler de nouveau. L'évolution est complètement bloquée. De toute façon, elle est bloquée, de toute façon. Mais ils sont dans l'illusion de. Pour ça, l'affaire de vivre par procuration, puis qu'ils s'ennuient, supposément. Mais ben, franchement, c'est-tu vraiment des morts, ça, là? Moi, je peux pas vérifier. Puis, qu'est-ce qui est écrit que les morts dorment, puis que quand on pense avoir affaire à des morts, c'est des esprits malins. Il y a plusieurs affaires par rapport à ça qu'on est averti que, en tout cas, pour ça, moi, je prends pas de chance. C'est pour ça que de parler de mémoire est beaucoup plus bénéfique pour nous autres. Ça dépend. Moi, j'entendais les morts, ils communiquent avec moi et j'ai tout coupé, ça. À un moment, une personne était tellement présente que j'ai eu peur de la voir, qu'elle se matérialise, moi. Ouais, ben, si ça s'était matérialisé, c'est vous qui auriez fourni. Mais la mère de mon père, elle s'était liée d'amitié avec une jeune fille. Puis cette jeune fille-là a passé son temps à discuter avec sa grand-mère décédée par écriture automatique. C'est ma grand-mère qui a dit d'arrêter de faire ça. Puis justement, cette jeune femme-là, ça allait pas très bien. Ça serait réglé un paquet de choses. On s'en rend pas compte, là, mais des fois, bon. L'astral, c'est un mode de projection, un monde de projection de la mémoire. Oui, c'est une reproduction, même, je dirais. De la vie matérielle. C'est pour ça que ça ressemble tellement au plan matériel que ça en est fou. Hein. C'est vraiment, là. C'est pas copie conforme, conforme, mais c'est vraiment. On voit que c'est l'expérience des vivants qui engendre ça. C'est impossible que. Je veux dire, ça n'a pas de vie propre en dehors d'eux. Tout dans. Je veux dire, il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien dans l'astral qui n'existe pas quelque part sur Terre. Même si c'est comme Swedenborg qui voyait des champs de fleurs qui chantaient des cantiques, il risque, bon, ben c'est sur Terre qu'on voit, on entend des cantiques puis qu'on voit des fleurs. Les images, ils ont pris quelque part pour créer ça, ces mondes parallèles-là qui, moi, me font penser à les affaires comme Zuckerberg voulait faire, là, mais son Meta, puis. Voyons, là, on est assez sorti de la réalité de même, là. En tout cas. Ils sont jaloux de l'homme parce que l'homme est créatif. Ben, c'est aussi parce que. Comment je pourrais dire ça? C'est fini, là, eux autres. C'est fini. Je dirais. Bon, c'est assez clair. C'est sûr. C'est sûr. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas intégrer. Ils sont même. Tant qu'à moi, ils sont même pas conscients. Je veux dire, c'est comme des endormis, là. Moi, j'ai l'impression comme ils rêvent. Pourquoi qu'on voit des morts en rêve? Peut-être parce que c'est leur monde, au fond, d'une certaine façon. Dans le sens que, ben, moi, j'ai jamais vu, même les gens qui canalisent des morts, que ce, tu sais, il y en a, là, des médiums. Bon, il y en a, probablement que le trois quarts, c'est de la fraude. Mais il y en a là-dedans, ils canalisent Van Gogh, ils canalisent Newton, ils canalisent, bon. Il canalise jamais le petit trou de cul de la rue La Jeunesse à Montréal, là, qui était peintre en bâtiment. Donc, il canalise tout le temps, oh, Newton, Benjamin Franklin. Il canalise des mangeurs de marde demain. Puis, finalement, quand on écoute, puis qu'on lit ce qui est canalisé, puis tout, tu te dis, il a pris une drop, hein, Newton, il est donc bien rendu idiot. Il est donc bien rendu endormi. Hein? Bon, C'est-tu Newton ou c'est la mémoire d'eux qui passe à travers la perception d'eux, les mécaniques inconscientes? Dans notre famille, peut-il y avoir un frère qui s'accorde, je vois pas le. Je disais parler de mémoire plutôt que de plan. La mort est bénéfique pour nous autres. Ouais, mais la mémoire, c'est un plan. C'est hyperbolique dans le sens que ça contient de l'information. C'est ça de la mémoire. C'est un plan. C'est pas topologique, c'est hyperbolique, mais c'est un plan pareil. C'est un peu comme votre ordinateur, c'est des 0 puis des 1. Mais ça ne veut pas dire que tout le reste n'existe pas. Je veux dire, vous me voyez, là, vous m'entendez, c'est des 0 puis des 1. C'est un plan pareil. D'une certaine façon, on passe par Internet, mais ça revient à passer par. Pouvez-vous servir de l'astral pour envoyer des messages à d'autres vivants? Il y en a en masse qui le font. Il y a même des cas de hantise par des vivants. Puis c'est pas si difficile que ça à faire. C'est de se mettre en condition puis tout, mais vous pouvez faire peur à du monde. Ils vont être traumatisés le reste de leur vie. C'est le genre d'expérience à ne pas faire. De toute façon, c'est pour moi qui vous. Oui, c'est aussi dense que la matière. Ouais, au niveau de la perception, une fois qu'on est dedans. Mais tout est différent, pareil. Dans le sens que. Puis en plus, il y a tout le temps. Pas vous autres, là, mais c'est surpeuplé. C'est plein de monde. Puis là, mettons qu'il y a plein de monde, puis là, vous voulez vous déplacer rapidement entre deux personnes qui sont collées, là. Ben, vous allez les voir, l'espace entre les deux personnes s'élargir, vous allez passer là-dedans comme une flèche. Mais au fond, c'est pas l'espace qui s'est distordu, c'est votre perception à vous pour passer à. Puis ils n'ont même pas connaissance. En tout cas. Il n'y a pas d'intelligence dans l'astral, mais est-ce que. Des formes d'intelligence peuvent instrumentaliser l'astral. Oui, c'est ça l'affaire. C'est ça. Dans le sens que, OK, il n'y a pas de lumière dans l'astral. Les morts ou entités astrales, ils ont pas de créativité, ils n'ont pas de spontanéité. OK. Mais il y a d'autres affaires dans le sens, il y a une hiérarchie, là. Il y a une hiérarchie. Puis, c'est ça. Donc là, les affaires qui est plus haut que l'astral, là, ça commence à être. C'est plus dangereux encore, tant qu'à moi. C'est comme, prenez, là, il y a eu une mode dans géologie, là, les matantes, là, ils voulaient, là, t'es parti sur la géologie, les affaires. C'est dangereux, là, je veux dire. En tout cas. Ça dépend. Souvent, ils n'ont pas les bons alphabets pour faire les pétitions, ces affaires-là. Ben bon. Mais ce qui se vend dans les boutiques de nouvel âge, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Les vrais ouvrages ne sont pas trouvables. À moins que vous ayez des Q, là. L'autre qui canalise Van Gogh a eu mal à la mâchoire. Faut pas y parler de Gauguin. Non, ben. C'est parce que l'affaire, pourquoi canaliser Van Gogh? C'est ça que ce qui est intéressant, justement, c'est des gens qui avaient de l'information importante, historique, puis qui n'ont jamais pu s'exprimer. C'est eux autres qu'il faut canaliser. Pas le gars qui a rien à dire, qui est le buveur d'absinthe, amateur de putain, qui est dépressif, là. C'est pas lui qu'il faut canaliser. Il sert à rien. Il sert à rien. Je suis tout seul qui aime pas Van Gogh. Je parle, je trouve pas ça beau. Bon. On va dire tous les goûts sont dans la nature. Ouais, mais moi, quand je regarde Van Gogh, je vois de la maladie mentale. Ça se sent, là. C'est peut-être pour ça qu'il y a une force qui fascine, mais il a souffert comment, lui, pour pondre ça, tout ça, qui, dans le fond, qu'il en est mort, tant qu'à moi, un peu, d'une certaine façon. En tout cas, il se passe pour un prince ou une princesse et en réalité, c'est complètement autre chose, moi. Ben, prenez les Vaudois à Montréal. Princesse une telle, puis ils se donnent des titres de princesse. Puis bon. Je sais pas, là. En tout cas. En tout cas. Mais. Eux autres aussi, tant qu'à moi, c'est complètement autre chose. Ces titres-là servent à rien. C'est juste, ça en est de l'astral parce que c'est, ça a C'est pompeux, ça a une texture, ça a une ambiance, mais finalement, il n'y a rien. Ça a un effet, mais il n'y a pas de, il n'y a rien de solide. C'est lié à un but recherché, c'est pas lié à une nature profonde de quelque chose. Dans ce temps-là, je vais dire, ben là, c'est de la. Hein? Hey, bonjour Roselyne. Ben, pas de quoi. Il paye pas l'électricité, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière. Ben, vous savez, quand on dit quelqu'un, oh, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Ben, l'astral, il n'y a pas de lumière partout, mais il y a des étages. Il y a de la lumière, oui, mais c'est de la lumière astrale. Dans le sens, ça peut juste éclairer là-dedans. Donc, la géologie, hein? Pourquoi ça? Moi, je vois pas le. Ben, en parlant de géologie, là, sont partis là-dessus. Le Journal de Montréal, c'est de dénoncer les médecins et les infirmières qui parlent de cristaux. Ils sont partis là-dessus. Il y en a une ancienne infirmière qui n'est plus infirmière, là. Elle avait une clinique à Montréal. Ils ont fait plein d'articles sur elle. Hitler. Qu'est-ce que vous faites là? C'est Nassim Aramène qu'il faut ramasser. Qu'est-ce que vous faites avec vos menées? Allez chercher le gros poisson. Voyons, là. En tout cas, oui, maladie mentale. Ouais. Ben, il y a plusieurs peintres. J'allais dire des princes, des peintres de même que moi, je suis pas capable, là. J'aime pas ça. J'aime mieux pas avoir rien sur le mur que ça. Donc, bon. Il y a une nouvelle pratique, la géobiologie. Un groupe amateur en Estrie proche de Frelichburg font des classes d'étudiants et vont nettoyer des maisons hantées. Je trouve cela dangereux pour certains. Ben là, nettoyer des maisons hantées, une hantise, là, ça se produit sur une courte période. Si ce n'est pas le cas, c'est un autre type de phénomène. Une vraie hantise, d'habitude, c'est sur une courte période. Il va y avoir un déclencheur. Des fois, ça peut durer sur des années, mais là, c'est plus de la hantise au sens comme classique spectral. Souvent, c'est une mémoire du lieu. Puis les gens, inconsciemment, ils font de la psychométrie. Mais là, l'affaire, moi, je comprends pas. Si vous avez des maisons hantées, le mieux, c'est d'étudier les phénomènes, prendre des données, essayer d'accumuler des données, puis tout. Je veux dire, c'est quoi ça? Ben ça sonne escroc, là. Qui veut nettoyer les maisons puis dire il n'y a plus rien? Ben, c'est du monde comme les Warren. Puis Lorraine Warren. Des escrocs. C'est-à-dire que, ben, c'est ça. Eux autres, ah, oh, nous, on ne prend pas de données, on ne fait pas d'études scientifiques, nous, on est là pour nettoyer. On va faire un petit billet. Je ne sais pas, là. Il faudrait que j'aille voir ça, mais là, je n'ai pas le temps. C'est territorial et ils réussissent à nettoyer les lieux. Après, ça va où? C'est là que ça devient subtil. Ouais, mais y avait-tu de quoi? Y avait-tu de quoi, première des choses? Moi, chaque fois qu'on m'est arrivé avec des cas de hantise, j'ai pas mal tout le temps conclu que c'était des petits problèmes là, dans un couple, souvent. Il y a de la tension, puis bon. Souvent, c'est après la naissance d'un enfant, puis bon, les hormones, puis. Parce que moi, je veux dire, les 9 dixièmes des cas d'hantise, là, c'est pas réel, là. Dans le sens que c'est super rare. C'est super rare, les cas de hantise. Je parle de temps antique, là, qu'on a vraiment pu démontrer, puis sur des années. Parce que ça, une hantise, c'est une courte période. Quand c'est sur une longue période, là, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Souvent, ça va être lié justement à la côté géomantique. Puis la géomancie du lieu. Des fois, il y a une rivière souterraine. On ne sait pas pourquoi. On dirait que ça influence. Des fois, ça va être de suite à des rénovations. On ne sait pas pourquoi. Mais il y a bien du monde qui pense que leur maison est hantée. C'est eux autres qui sont hantés. C'est pas. Je dois quitter. J'ai du ménage à faire un peu. Bonne journée. Ben, bonne journée. Pas aller assainir la maison. Nassine Bobola, je ne le connais pas, il Bobola. Fergus, bonne journée. Bonjour, Monsieur Robertine. Hey, Trinity, bonjour. Pas juste Van Gogh, Salvador Dali. Ben, Salvador Dali, je ne le considère pas comme un malade mental. pour ben, ça se compare pas, là. Salvador Dali, il faut comprendre, il a créé un personnage puis il l'a commercialisé. Très intelligent, Salvador Dali. Prenez vers la fin de sa vie, il est en chaise roulante, il avait échappé à un incendie, puis il dit, vive la Catalogne, vive le roi d'Espagne. Je regarde ça, je me dis, il va avoir ri du monde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est rire du monde, là, à un moment donné. Mais bon, Salvador Dali, je le considère pas comme un malade mental. Bon. Ben non, au moins c'était beau, tu sais, je veux dire, Salvador Dali, il y a des choses, c'est beau. Bon, c'est sûr que c'est quoi là, l'affaire, là, Lénine, persistance de Lénine sur un piano, puis bon. Bon, c'est sûr que Dali, il n'aimait pas Lénine, là. C'est un peu le contraire de Picasso. Mais Dali, je veux dire, c'est un petit peu trop le contraire de Picasso. Là. On est carrément rendu, c'est un fasciste admirateur de Franco, puis bon. Peut-être un peu fou, mais pas au sens clinique. En tout cas, il y a confusion entre hantise et psychologique souvent. Ouais. Ben oui. Les phénomènes de hantise, là, souvent, ça va être sur une courte période. Ça va durer une semaine, 2 semaines. Quand il y a de la hantise sur des longues périodes, comme il y en a eu un cas, c'était le presbytère de Borlée, puis il y en a eu d'autres cas de même. Là, il y a de la psychométrie là-dedans. Souvent, c'est la personne qui va détecter des phénomènes, elle va avoir été mise en condition sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que l'endroit où elle va, il y a des gens qui vont avoir distanté cette place-là. Puis là, on a affaire à quelqu'un de très sensible. En arrivant sur les lieux, ça se déclenche. C'est pour ça que je vous dis. Ça peut venir de la personne puis de sa perception d'un lieu plus que du lieu. Donc, des fois, c'est pas les lieux qui sont hantés, c'est les gens. C'est pour ça que là, il y en a beaucoup, ils vont dire, des sceptiques vont dire, il y a beaucoup de cas de maladies mentales. Ouais, mais faut pas non plus, parce qu'il y a des cas de maladies mentales, qu'il y a des aspects qui sont pas juste mécaniques. En tout cas, Trinity, elle est là. Elle a fait une vidéo supplémentaire. Il faut pas rire. Elle dit, BDM, il a dit, il faut pas rire. C'est pas intelligent. Je vois pas en quoi c'est pas intelligent de rire. Ben Bernard, il riait souvent. Ça dépend là, du contexte. Bonjour, Pauline. Arina, donc BDM, il dit, il faut marcher à quatre pattes. Il faut se mettre à marcher à quatre pattes. Ben, Bernard, il dit des affaires, mais il dit en même temps de ne pas le croire. Fait que l'affaire, ça ne viendra jamais de lui, l'erreur. Hein? Dans le fond, là. Oui, la sensibilité est pour quelque chose. Ah, ben oui. Vraiment. Bon, moi, je vais devoir quitter. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je ne sais pas si ça a été. Ça a été bien. Je vois, il y a quelqu'un qui m'écrit. OK. Il va encore là. Okay. Allô? Oh, bon. Je peux même pas aller voir mes affaires. Oui, il se contredisait pour briser les formes. Ouais. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que. Si je dis au monde de garder votre sens critique, puis croyez-moi pas, là, c'est bien plus facile de parler librement. Je vais pas réfléchir. Ça doit être pareil pour lui. Dans le sens que quand tu parles puis que ça part, ben, t'as pas le temps de penser ou de réfléchir à ce que tu dis au sens des conséquences de l'interprétation d'autrui. On peut pas être responsable tout le temps de l'interprétation d'autrui. Donc, d'emblée, en partant, il disait, croyez-moi pas. Puis même David Lévesque, il dit ça, je l'ai souvent dit, il dit vérifiez avec votre intellect ou votre ressenti ou si vous pouvez autrement. Mais pas dit de, bon. Hein? Ben Bernard, tu sais, pourquoi il dit faut pas rire? Je veux dire, c'est quelqu'un qui avait un pas pire sens de l'humour, là. Même j'irais jusqu'à dire c'était un clown. Il y a un petit côté clown. Moi, je comprends rien, mais je trouve stupide de s'empêcher de rire. Ben oui, ça dépend du contexte de la vidéo. Je reprends du début. OK. Ah ben oui, si vous n'avez pas eu le début. Merci, bonne journée. Ouais, je suis peut-être venu de plus de bonheur. Je suis peut-être venu plus de bonheur. Comment ça? Parce que la semaine passée, j'ai vu, bon, on a des visiteurs. Puis habituellement, quand je faisais mes affaires plus tôt, ils ne sont pas debout. Bon, OK. Mais tu sais, c'est surtout parce que je ne comprends pas ce qu'il me veut, là. Faut que je dis, OK, moi, quand j'ai vu ça la semaine passée, je dis, OK, la semaine prochaine, je fais ça à 8h le matin, puis si ça fait pas, ça va être 7h le matin, puis si ça fait pas, ça va être 6h le matin, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et je peux pas croire que le monde va mettre leur cadran, leur réveil matin en pleine nuit pour maillir. Bon, en tout cas, ça doit exister. Hein. C'est une vidéo d'imitation de BDM. Ah oui, ben. Moi, David m'avait. M'envoyer un lien. Puis, le dernier, quoi, ça? Puis, c'est ça, David, il avait l'air de dire, ah, elle est rendue à... Elle fait comme ça, là, puis... Je lui dis, ah, oh, ben, il doit avoir une raison. Mais là, tu sais, je veux dire, il est pas louf. Je veux pas commenter à sa place. Mais non, il en avait pas fait de quoi, mais il trouvait ça intéressant, il m'en l'avait envoyé. ISO. Moi, je ne considère pas le gnosticisme et le nouvel âge comme faisant partie du supramental. Ah oui, ça en fait partie au niveau culturel, mais pas au niveau du phénomène. Oh oui, je le sais, c'est qui. Je le sais, c'est qui. Ouais, c'est sûr, ça va tout le temps. Ça pogne, c'est populaire, puis tout. Pourquoi? Parce que, c'est ça. Le monde, il aime ça. Bon, c'est sûr, moi, ce ne sera jamais bien populaire. Bon, vous avez le choix entre une belle salade aux fleurs de crevette puis un ragoût de pâte de cochon. Mais moi, le but, c'est qu'il nourrit le ragoût. Ben, ça mange. Bon. Hein? Apprendre à regarder notre environnement en conscience de nos jugements nous montre chaque fois un peu plus nos conditionnements. Et programmation. Ouais, c'est progressif. Vraiment, là. Et ça, je peux pas. Ben, moi, je l'ai déjà écouté un petit peu, puis c'est des vieilles formes qui reviennent. C'est du gnosticisme, là. C'est ça que c'est. Même Bernard, des fois, il a ramené des affaires liées au gnosticisme, mais c'était pas aussi clairement ça, là. Je veux dire, c'est carrément ça, là. C'est de la spiritualité tant qu'à moi. Fait qu'elle se bat contre les archontes. C'est comme l'autre qui se fait lécher des chakras. Elle se fait lécher les chakras du bas dans les plans surmentales. C'est son problème. Hein? Mais tu sais, moi, je veux dire, juste l'affaire, tu sais, le sourire, fige-là. C'est quoi, là? On a affaire à quoi, là? C'est-tu un brand? C'est comme Monsieur Net? C'est quoi, là? Je viens enrager. C'est pour ça que j'essaie de ne pas regarder rien de tout ça, puis je pense pas, puis je m'en occupe pas, puis c'est pas de mes affaires. Donc, j'ai regardé aussi le début. OK, trop spiritualisé. Moi, j'appelle quasiment plus ça spiritualisé. Là. On est dans le... Mais ça, c'est mon opinion. Donc, j'essaie de pas trop se dire, vous écoutez ce que vous voulez. Là. Bon, mon mal demande, je vous le dis. J'aime mieux le ragoût car je n'aime pas les crevettes. Moi, ouais, c'est parce que c'est pas nourrissant. C'est pas beaucoup, tu sais. Il n'y en a jamais gros. Ils en mettent quelques-unes pour faire beau. Puis bon. Moi, j'étais tout récemment. Attends, t'es tout. Moi, j'étais tout récam. Et j'aime bien ce que tu nous informes et éclaire comme connaissance. Oh, ben de rien. OK, découvert, oui. Il y a des choses qu'ils ont dit qui sont réelles. Je l'ai vécu. Par contre, il faut en prendre et en laisser. Et elle dit tout le temps qu'il ne faut pas la croire. Ben oui. Mais l'affaire, c'est que, bon, elle a l'affaire. C'est dans le sens que c'est sûr qu'il y a du réel. T'sais, ça fait partie de... C'est sûr qu'il y en a, ça en prend un petit peu. C'est comme, je discutais de ça avec quelqu'un que je connais, puis elle me ramenait Nassim Haramein, puis elle me disait, ouais, mais il y a des affaires qui disent c'est vrai. Je dis, oui, mais ça n'empêche pas le reste. Ça n'empêche pas le reste. C'est ça qui fait un bon vendeur. il n'est pas pour vous dire rien de la merde. Dans le sens, moi, je ne pense pas qu'elle fait ça pour. C'est pas mercantile nécessairement. Mais c'est du gnosticisme, je veux dire, au niveau doctrinal. De ce que j'ai entendu, puis j'ai essayé plusieurs fois d'écouter, c'est du gnosticisme. Bon, moi, j'adhère pas à ça, la connaissance. Dans le sens que je pense pas qu'on va atteindre le réel par la connaissance, au contraire. Je pense que c'est ça qui nous a perdus. Puis qu'on le vit, puis qu'on le digère pour aller à une autre tâche, là, à un moment donné. Hein? Faut faire un tri. Moi, le tri n'est pas long, c'est par la vibration. Soit je suis capable, soit je suis pas capable. Comme il y a quelqu'un qui m'a parlé il y a quelques semaines, la semaine passée, je pense, de Normand Pinard, puis j'ai juste par après, ça m'est revenu, je l'ai vu. J'ai vu sa face d'un petit monsieur. Je veux dire, grossier un peu, là, il fait de la calvitie un peu. Ouais, je l'avais déjà vu, Pinard. Puis moi, je l'aime bien. Je veux dire, lui, j'ai pas de problème avec. Je vais pas y réécouter récemment. Il y a un peu il dégage quelque chose d'un gars qui aime les autos de course. Ça fait de même. Ça n'a pas l'air de. Malgré Crayel et tout, là, mais en tout cas, bon. Le savoir, la connaissance, c'est pas pareil. La connaissance, c'est vraiment lié à l'intellect. C'est vraiment lié à l'intellect. Vous, voulez-vous apprendre vos tables de multiplication par cœur ou avoir la réponse automatique sans avoir besoin de compter? C'est la différence entre la connaissance et le savoir. Le savoir, c'est instantané, c'est fulgurant, ça arrive d'un coup. Tandis que la connaissance, là, on est dans les processus intellectuels, puis ça finit plus, puis de là. Puis souvent, on finit par se rendre compte que ce qu'on finalement, une fois qu'on a tout compris, un cursus d'études de quelque chose, que finalement, on le savait. On le savait, plus à cette heure, on le connaît. Puis souvent, on se désinforme sur ce qu'on sait en connaissant. Il n'y a pas. Dans les romans de Frank Herbert, il y a une gang, c'est comme des médecins préfabriqués, c'est une sorte d'ordinateur humain, là, ils ont les sourcils, ils ont tout le temps plein de cochonneries autour de la bouche parce qu'ils se droguent, là, ils boivent. Puis l'un là-dedans, il dit, à force d'érudition sur un sujet, on en devient ignorant. C'est vrai. C'est vrai. Puis en plus, ils sont. Je ne sais pas si vous vous souvenez le film de 84, ils sont dégueulasses, ce sont. Ils sont laids. Mais c'est des ordinateurs. Dans le monde qui a été créé pour ces romans-là, on est rendu tellement loin dans le futur que l'être humain n'a pas d'ordinateur parce que c'est devenu un 12e commandement. S'il y a de la religion, tu ne te fabriqueras pas de machine près de l'esprit de l'homme ou qui essaye d'imiter l'esprit de l'homme. C'est assez spécial. C'est pour ça qu'il y a un côté futuriste très avancé, mais en même temps, c'est comme féodal. C'est pas fou, je veux dire. Moi, je ne comprends pas pourquoi le monde, ils ont tellement trippé sur Patrouille du Cosmos que Christ, que c'est n'importe quoi. Ou Star Wars, c'est des films pour enfants. Star Wars, c'est de l'ostinement. Puis vous avez un bonhomme, Frank Herbert, il a créé tout un univers cohérent, très profond. Ça pogne moins. Puis écœurez-moi pas que le film de Villeneuve, je veux pas le voir. Je veux pas le voir. J'ai vu celui-là de 84 quand j'étais enfant, puis je veux que ça reste ça. C'est ça pour moi. En plus, les Harkonnen, là, ils ont l'air des Allemands, tu sais, ils sont blonds, jaunes, ils ont la peau rouge sur fond blanc, les yeux bleus, ils sont dégueulasses. Bon, je vais arrêter, là, je pense que j'ai dit. Bon. Hein, DJ Libre Abel. Ouais, là, je n'ai manqué. Mais le savoir, on n'en maîtrise pas assez. C'est ça, mais je parle, si on veut le maîtriser, de plus en plus, il faut y toucher. Je pense que la connaissance, ça coupe de. Puis il y a différentes expériences, notamment en sociologie, qui me portent à penser ça. On vit dans un monde de connaissants. Moi, dans le fond, des fausses avances, on peut dire. Daniel, si ça vous parle, il faut regarder et se faire son propre avis. Chaque personne a une histoire, j'ai pas vu. Un savoir-être. Nikola Tesla. Nikola Tesla, j'aime le personnage, j'aime les travaux. Ce que j'aime pas, c'est toute la mythologie populaire qui s'est construite autour. Ça, là, c'est indigeste, je trouve ça indigeste. Il y a quelque chose là-dedans qui fait de lui une sorte de... Comment je pourrais dire ça? En tout cas, moi, j'ai rien contre Tesla, j'aime beaucoup Tesla, ses travaux, mais tout ce qui est autour, j'ai de la misère avec ceux qui le trippent dessus. Je pourrais pas dire pourquoi j'ai de la misère avec les gens qui en font une idolâtrie de Tesla. Parce que ça va trop loin, là. C'est un personnage dans leur tête, là, c'est plus réel. C'est trop, là. C'est trop. C'est une sorte de canonisation scientifique d'un homme. J'ai de la misère avec ça. Mais bon, ça dépend, là. J'aime beaucoup mieux savoir pêcher que, comme toi, avoir la réponse. Bon. Ben même ça, moi, je ne crée même pas, mais parce que... Moi, si je peux pas vérifier, tu sais, des fois, je vais me fier, mais c'est comme en stand-by. C'est en stand-by, puis je peux pas vérifier. J'ai passé vraiment, là, l'affaire que j'ai eue au rein, là, ça a fait que j'ai été hospitalisé, que je m'attendais pas à ça. Il y a quelque chose qu'il fallait que je fasse. J'ai pas pu. J'ai manqué une occasion. Puis j'ai passé 2 semaines. 2 semaines à regarder mes affaires. Puis à pas pouvoir rien faire. Bon, ça me fait une méchante différence, pareil. Fait que là, je peux pas dépenser. Je peux pas. Faut pas. Donc, c'est ça. Mais moi, c'est comme ça. S'il y a de la vaisselle sale, je refais pas à manger avant d'avoir lavé. C'est horrible, Risse. Connaissance égale intellect, réflexion, c'est ça. Le processus mental, la mécanique. La mécanique mentale. Le savoir, ça ne se force pas. Non. Puis souvent, ça force, par contre. Ça se force pas, mais ça force. Dans le sens qu'il y a des choses qu'on finit par savoir, même si ça ne fait pas notre affaire, on n'a pas le choix. Pour Nikola Tesla, il y a du monde qui veulent son intérêt. Ben. Le problème avec un bonhomme comme lui, c'est que c'était pas. On dirait qu'il n'y avait pas de notion de comment fonctionne le monde, notamment la finance. Parce que d'aller voir JP Morgan, puis de penser qu'il va te financer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil, tandis que c'est entre autres avec ça qu'on fait de l'argent. Et oh, à un moment donné, lui, il a allumé puis il a retiré ses billes. C'est évident que ça allait faire ça. Bon. Mon JP Morgan, je le déteste moins que d'autres. Il y a pas du monde qui l'ont diabolisé. À mes yeux, c'est pas le pire, là. Au contraire. Au contraire. Puis bon, je peux pas en vouloir un bonhomme qui a une canne puis un haut de forme puis qui donne des coups sur la tête des photographes. Ça, je peux pas y en vouloir. Je l'aime bien trop. Bon, ben moi, je vais quitter avant de dire trop de conneries. Bon, bonne journée.